Lettre 101e, Marcius Alpinus à Scribonianus, Nicomédie, avril 305. Les dés sont jetés. Le destin lève sa main redoutable sur la tête du plus dangereux ennemi de Galerius. Mais point de métaphore, elles expriment mal les pensées qui se pressent en foule dans mon esprit. Je veux te raconter avec clarté ce qui se passe ici. Le mois passé, Dioclétien, faiblement remis de sa maladie, s'est présenté pour la première fois au peuple qui eut peine à le reconnaître. Sa santé est entièrement détruite, ses forces l'ont abandonné, ce n'est plus que l'ombre du grand Dioclétien. Il reconnaît qu'il n'est plus propre aux affaires qui exigent des bras et un esprit vigoureux, et il est au moment d'abdiquer. Le monde ne verra dans ce spectacle que l'effet d'une profonde philosophie et une noble indifférence pour ce que les hommes estiment le plus, les biens et le pouvoir. Les uns craindront, les autres espéreront, d'après le parti auquel ils sont attachés. Galerius triomphe. Tous ses projets ont réussi, et l'ouvrage de plusieurs années de peine et d'intrigues secrètes est enfin parvenu à sa maturité. Et ton ami Scribonianus touche enfin au but de ses désirs. Maximilien abdiquera en même temps que Dioclétien. Le faible et sensible Constance n'est pas à craindre. Galerius reste donc seul maître du monde entier et de nommer le successeur qui lui conviendra si un seul homme, un seul, est mis de côté. Sa naissance et plus encore son orgueil et sa témérité en font un ennemi redoutable, quoiqu'il ait caché jusqu'ici ses prétentions et ses projets sous l'apparence du calme et de l'indifférence. Il est très fin, très adroit, très prudent, et cependant l'or et la corruption nous ont livré tous ses secrets. Il faut qu'il tombe si Galerius veut régner paisiblement, et il tombera puisqu'il est entre les mains d'un ennemi aussi puissant qui sera dans peu de jours le souverain du monde. Constantin tombera, et avec lui jusqu'au dernier reste de la secte abominable qu'il protège. Toutes les mesures sont prises, il ne peut nous échapper. Il est temps à présent que tu agisses et que tu contribues aussi au plan dont nous recueillerons les fruits. Nous savons positivement que l'on a fait en Chalcédoine des préparatifs secrets pour le voyage, ou plutôt pour la fuite de celui que Galerius veut et doit anéantir. Un vaisseau qui s'y trouve se tient prêt à mettre à la voile, et la maison d'un chrétien nommé Clément, chez lequel les chrétiens se rassemblent depuis l'édit lancé contre eux, doit lui servir d'asile jusqu'au moment de s'embarquer. Nous savons encore qu'un nombre de chevaux sont toujours scellés dans les écuries de Constantin. Lorsqu'il en sera temps, je t'enverrai un messager en toute hâte pour te prévenir. Toi, comme préfet de Chalcédoine, tu feras entourer la maison où se forment des assemblées défendues et tu arrêteras, sans distinction, tout ce qui s'y trouvera. Tu paraîtras surpris d'y trouver un personnage aussi important, sans avoir l'air d'avoir appris son arrivée. Et lorsqu'il te sommera de rendre la liberté au fils du César d'Occident, tu t'excuseras sur les ordres que tu as reçus d'arrêter tout ce qui serait dans cette maison. Avec beaucoup d'égards et de respect, tu lui promettras d'envoyer un express à Nicomédie pour faire part aux autorités d'un cas aussi extraordinaire. Tu le feras en effet, et nous aurons soin du reste. Non, jamais il ne reverra ni la Bretagne, ni le rivage de l'Europe. Conduis tout avec adresse. Oh, si mon ami, mon ennemi mortel, l'odieux Agathoclès pouvait s'y rencontrer aussi, si je pouvais assouvir ma vengeance contre celui qui m'a ravi la seule femme que j'ai aimée et sur qui j'avais des droits par les peines qu'elle m'a données, s'il pouvait aussi tomber entre tes mains, compte alors doublement sur la reconnaissance du futur Auguste et du futur César, ton ami pour la vie.